Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. ATTAC, A2TAC, Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Pour vous servir, aujourd'hui, aux manettes, Jean-Jacques, qui nous fait l'amitié de remplacer Florent en train de construire sa petite maison en bois en Normandie. Merci Jean-Jacques. On trouve les reportages de Jean-Jacques le lundi soir à 19h sur Radio Campus, évidemment dans On passe au rouge. Pour animer le débat, le novelliste Didier, Ludovic est absent aujourd'hui, et René Lascience, bien sûr. Christian se contentera de la présentation. De quoi parle-t-on aujourd'hui ? D'EDF, Électricité de France, destinée en 1946 à être un monopole public de la production, de la fourniture et de la distribution de l'électricité pour le confort de tous. EDF, un service public insupportable pour les idéologues de Bruxelles, de Maastricht et du traité constitutionnel. Et donc, pour faire plaisir au Conseil européen et à son bras armé, la Commission de Bruxelles, EDF est sous le coup d'un démantèlement. Ce mot est contesté, mais il se pourrait bien qu'il soit maintenu par notre invité Philippe André, ancien prévisionniste météo pour l'hydraulique à EDF. Nous allons écouter Philippe André. Est-ce que nous l'avons au téléphone ? Est-ce que vous nous entendez ? Normalement. Je vous entends très mal quand ça parle à la radio. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour Philippe André. Je laisse la parole à un coreligionnaire, Didier. Oui, donc bonjour Philippe. Simplement, Anne de Bréjas n'a pas pu être parmi nous. Donc, c'est un autre porte-parole de Sud Énergie Solidaire qui va s'entretenir avec nous. Donc, Philippe André, qui est, comme l'a dit Christian, prévisionniste hydrométéo à EDF Hydro. Donc, si vous pouvez nous expliquer un peu en quoi ça consiste. Et coordinateur du rapport de Sud Énergie sur les barrages. Oui. Oui, donc moi je travaille depuis le début de ma carrière dans l'hydroélectricité, dans les barrages. Et en mai 2018, à la demande d'une parlementaire qui en 2013 a fait un gros ouvrage sur les barrages pour la commission des affaires économiques de l'Assemblée, et bien, j'ai effectivement pris mon bâton de pèlerin avec Anne, notamment à la R&D, avec une copine de la CGT dans une autre unité d'ingénierie pour aller récupérer la parole d'une centaine d'experts et d'une vingtaine d'anciens cadres dirigeants pour faire une démonstration absolument pas idéologique, mais complètement factuel, de l'aberration de la mise en concurrence des barrages. D'accord. Et voilà que 2 ans et demi plus tard, on nous rattaque sur l'ensemble du système électrique sur lequel il y a tant à dire depuis un certain temps. D'accord, donc là on est déjà dans le vif du sujet. Simplement, la première question concerne le citoyen lambda, disons, la description du projet Hercule. Bon, on nous parle d'EDF bleu, d'EDF bleu ciel, bleu azur, vert. Est-ce que tu peux nous expliquer en gros en quoi ça consiste ? Eh bien, Hercule, c'est un pas de plus dans cette impasse de mise en concurrence de l'ensemble du système électrique. Cette mise en concurrence dure depuis 25 ans, un peu comme la folle, parce que si vous voulez, les agents d'EDF sont un peu comme les chauffeurs routiers, capables de paralyser l'économie du pays. Et par conséquent, il convient, quand on s'attaque à ce genre de force populaire, d'y aller progressivement. Et ça fait donc 25 ans qu'il détricote petit à petit le service public de l'électricité qui est né après-guerre, comme la CETU, par exemple. Alors Hercule, pour pas rentrer dans les détails, mais pour le proposer, l'expliquer rapidement, Hercule souhaite effectivement couper ce qui reste d'EDF en trois. Dans le bleu, vous trouveriez tout le nucléaire et l'ensemble du réseau de transport, qui est quand même déjà séparé d'EDF, RTE. Dans Azur, vous trouveriez les barrages, parce que sur cette lutte, nous avons réussi à démontrer l'absurdité de cette mise en concurrence. Et donc, ça serait une autre structure 100% publique, mais avec un mot qui ne nous plaît pas trop, une filiale. Et sur une filiale, on peut faire une OPA agressive, donc ça ne résout vraiment pas tout le problème. Et puis dans Vert, vous trouvez toutes les autres vaches à lait, parce que les barrages sont une sacrée vache à lait. Et Vert serait davantage privatisé. Alors davantage privatisé, ça veut dire qu'il faut savoir qu'en 2004, EDF a subi une privatisation partielle à hauteur de 15%. C'était ce qu'on appelait l'ouverture du capital en 2004. Voilà. Et finalement, pour résumer Hercule en une phrase, le gouvernement de Macron, comme les prédécesseurs socialistes et républicains, se rendent compte que la concurrence n'est pas adaptée au système électrique et qu'ils ont fait une bêtise à la fois en privatisant partiellement EDF et en ouvrant à la concurrence le marché de l'électricité. Simplement, la marche arrière, il faut qu'elle soit gratuite. Donc pour que la marche arrière soit gratuite, ils mettent d'un côté, ils passent de 85% à 100% le nucléaire et les barrages, et de l'autre côté, ils passent de 15% de privé à 30% de privé, tout le reste, dont la vache à lait des réseaux de distribution. Les réseaux de distribution, si vous voulez, c'est les autoroutes à péage de l'électricité. D'accord. Je vous dis autoroute, péage, privatisation, vous avez compris l'enjeu. Mais il y a également toutes les énergies de demain, le renouvelable, notamment le solaire et l'éolien. Il y a également tous les systèmes insulaires, les DOM-TOM, la Corse, qui ne peuvent pas être interconnectés avec l'Europe. Et puis, il y a également toute la partie commerciale et tout un tas d'autres choses. C'est donc un projet financier. Il ne faut pas que ça nous coûte un rond, on s'est trompé. Mais on va faire un système gratuit pour sauver l'essentiel. Alors, d'accord, l'essentiel pour eux, c'est les réseaux de transport, c'est le nucléaire, c'est les barrages. Ils oublient de dire aux citoyens français que deux autres choses sont complètement essentielles, le réseau de distribution et les énergies renouvelables. Et pour que ça ne leur coûte rien, il faut bien livrer quelque chose au marché, donc choisissons le plus rentable. Au départ, ils voulaient inclure également les barrages dans cette partie de plus en plus privatisée, de plus en plus... Justement, le statut des barrages, c'est quoi exactement? C'est une régie, on parle de régie semi-publique Alors les barrages, c'est exactement comme le réseau de distribution, comme également les autoroutes et l'eau potable, hein, ce sont des concessions. Et quand je vous parlais de 25 ans, voire 30 ans, de détricotage progressif de ces services publics, la première épine dans notre pied, ça a été la loi Sapin de 1993, une loi qui, sous couvert de la moralisation de la vie politique, où un élu ne pouvait pas donner à ses copains des marchés, cette loi Sapin s'est avérée complètement délétère et a détruit beaucoup, beaucoup de services publics. Elle parlait des concessions et elle disait qu'au terme d'une concession, tout devait être remis en concurrence avec un processus complètement objectif. Cette loi Sapin a inspiré la directive européenne concession qui y a suivi et en 1996, l'Europe a dégainé également une directive de privatisation, de mise en concurrence de tout le système énergétique. Et cette directive européenne, ça date de 95 par là, je crois. 96, oui. 96. Et ça s'est décliné en France avec plein d'étapes. Donc en fait, cette grenouille dans la casserole, pour qu'à la fois on ait du mal à mobiliser pendant près de 30 ans et qu'en plus on se fatigue et que du coup ils espèrent nous avoir à la fin, ce processus très lent, quand je suis rentré à EDF au début des années 90, il y a le patron du nucléaire, Pierre Carlier, avec qui j'ai eu un échange éclairant et il me semble que nécessaire de vous le raconter. Il parlait de mon unité d'ingénierie, la DTG, qui sert à l'ensemble des exploitants de la France, et il l'annonçait comme le paradis, et moi je dis que je ne comprenais pas, déjà à l'époque, hein, pourquoi ce paradis avait souvent des couleurs d'enfer. Et plutôt que de me traiter de râleur, il m'a répondu par un proverbe chinois, si tu veux déplacer une montagne, donc l'EDF de 1946, tu peux pas. Si tu veux déplacer un tas de cailloux, donc l'EDF surmorcelé, avec la séparation du réseau de transport de 2001, les réseaux de distribution en 2007, la privatisation partielle en 2004, le développement des énergies nouvelles et renouvelables, du solaire, de l'éolien et du reste, de 2000 à 2020, puis la vente d'une grosse partie du nucléaire. Donc bref, le tas de cailloux est en route et Hercule continue de casser en trois ce qui reste d'EDF. Et bien si tu veux déplacer un tas de cailloux, me disait-il au début des années 90, hein. Tu prends un ouvrier chinois, une brouette, ça prendra 20 ans, ça prendra 30 ans, mais le tas de cailloux, tu le mets où tu veux. Et c'est exactement ce qui est en train de se faire avec le système électrique. On a morcelé la montagne, indéplaçable, le service public, le commun, la richesse des précaires, etc. On l'a transformé en tas de cailloux, et maintenant, année après année, réforme après réforme, la Commission européenne parle de paquets, il y a déjà eu 4 paquets de casse progressive de services publics, paquet après paquet, eh bien, un certain nombre d'ouvriers au service de multinationales transportent le tas de cailloux là où ils veulent, c'est-à-dire dans la génération de profits pour quelques-uns. et l'explosion du prix de la facture pour l'ensemble des gilets jaunes et le reste des citoyens. D'accord, justement, on va y venir au prix de la facture. Enfin, là, tu résumes parfaitement la philosophie du projet. Et je me souviens que nous, à ATTAC, à l'époque, avec, dans les années 2006-2007, avec Anne de Bréjas qui était venue à Roubaix, bon, on avait beaucoup discuté justement de cette ouverture du capital et des risques que ça engendrait. Donc là, je vais laisser la parole à René qui va poser quelques questions justement par rapport aux consommateurs et par rapport à les questions de hausse de tarifs et de factures. Oui, bonjour. Alors voilà, justement, les libéraux nous ont toujours vendu la privatisation, la mise en concurrence comme un moyen de faire baisser les prix dans l'intérêt du consommateur. Est-ce vraiment le cas, puisqu'on assiste en fait, au contraire, à une hausse des tarifs à peu près dans toute l'Europe? Comment expliquer cette erreur, quoi, Pour la Commission européenne... Depuis les années Thatcher, d'ailleurs, cette directive de 96 sur la mise en concurrence du système électrique a été écrite sous Margaret Thatcher par Sir Leon Britton, deux Anglais qui ne font plus partie de l'Europe, mais dont qui avait sévi pour France Télécom aussi d'ailleurs. Oui, et on continue de suivre aveuglément cette directive comme un texte indépassable. Donc oui, dans le parallèle avec France Télécom, on a parlé de bleu, azur et EDF, et vert pour EDF. C'est rigolo de se rappeler que France Télécom, on nous a parlé d'orange. Une façon inconsciente de nous faire voir qu'ils nous en font voir de toutes les couleurs, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, ces Anglais ont fait un lobbying immense pour mettre en concurrence. Et effectivement, la Commission européenne, depuis ces années-là, dans l'ultralibéralisme qui est devenu le capitalisme, pense comme un mantra religieux que la concurrence est la solution à tous nos maux. Et si depuis 25 ans en France la facture a explosé, on l'a vu dans le 20h de France 2 au début de l'année, plus 60% depuis l'ouverture à la concurrence de la fourniture d'électricité pour les consommateurs, ils répondent simplement en disant c'est parce qu'il n'y a pas assez de concurrence. Ouais. Enfin, même si on leur démontre que le système électrique n'est pas adapté à la concurrence, ils continuent de dire que, aveuglément, ça va marcher. Alors, pour mettre un bémol à votre réflexion, en France, la facture explose. Maintenant, il est bien évident qu'au niveau européen, il y a des gens que je comprends tout à fait. Les Anglais et les Allemands n'ont pas fait le virage du nucléaire dans les années 70 que la France a fait pour son indépendance énergétique. Je ne donnerai pas mon avis sur le nucléaire ici aujourd'hui, hein. C'est pas le lieu. Simplement, factuellement, la France a eu, par ce choix-là, et on ne peut pas le nier, l'électricité la moins chère et la plus fiable d'Europe. Alors quand vous construisez une Europe économique où les principaux acteurs anglais, allemands, français sont quand même encore en large concurrence, parce qu'on n'a pas encore construit l'Europe sociale, l'Europe politique, qui serait important de construire si ce rêve européen vaut le coup, en concurrence, pour l'Allemagne et pour la Grande-Bretagne, cet avantage concurrentiel, parce que l'électricité, c'est devenu le sang de l'économie, cet avantage concurrentiel pour toutes les entreprises françaises, que d'avoir un fluide d'entrée le moins cher et le plus compétitif, c'est insupportable. Donc s'il y a bien des gens que je comprends, c'est l'Allemagne et la Grande-Bretagne qui ferraillent pour que la France perde cet avantage compétitif. S'il y a des gens que j'ai plus de mal à suivre depuis 25 ans, ce sont tous nos gouvernants, républicains, puis socialistes, puis macronistes, qui obéissent à finalement ce qui pourrait s'appeler une guerre économique. Vous avez suivi la guerre économique que les USA ont menée contre la France avec cette fameuse entreprise Alstom qui est devenue GE et dont le scandale d'État n'a pas fini d'être mis en lumière. Eh bien là, c'est de la même façon une guerre économique que les Anglais et les Allemands ont menée contre la France. Pour quelles raisons nos gouvernants ont-ils cédé aussi facilement depuis 25 ans et mis en place un plan franco-français très lent, très progressif, de casse de ce trésor national et de ce bien commun d'intérêt général stratégique pour permettre à d'autres de devenir plus compétitifs et donc aux citoyens français de payer plus cher, ben ça serait intéressant de leur poser la question. Oui, c'est intéressant ce que vous dites sur les avantages comparatifs puisque un libéral quand même, Ricardo, parlait d'avantages comparatifs et il disait pour que l'équilibre entre les pays, on pouvait garder le vin pour le Portugal et le Porto pour le Portugal et la toile pour l'Angleterre. Ici, on nous refuse un avantage comparatif de façon, comment dire, à l'inverse des principes libéraux, en l'occurrence. Oui, notamment l'AREN, en fait, qui oblige l'EDF à vendre son électricité à un tarif à bas coût, oui. Oui, on peut parler de cette absurdité. Il y a en fait, il y en a quatre des façons de faire rentrer une concurrence pas du tout libre et absolument faussée dans le système électrique. L'AREN est l'une d'entre elles, et comme elle s'attaque, c'est l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique. Donc du nucléaire faisant l'essentiel de l'électricité française. De ces quatre façons de faire rentrer cette concurrence pas du tout libre, c'est sûrement la plus importante. Alors pour vous l'expliquer en deux mots, la loi nommée de 2010, nouvelle organisation du marché électrique, met effectivement en place l'obligation pour EDF de vendre un quart de sa production nucléaire à prix coûtant. C'est intéressant de voir que le prix est inchangé depuis 2011 et que c'est sûrement à perte depuis un certain nombre d'années. Et que par conséquent, ce seul point de l'AREN, de l'obligation de vendre un quart de sa production nucléaire à ses concurrents, mine les comptes d'EDF, la met dans le rouge. Et j'ai un copain gilet jaune qui résume Hercule en disant « Après avoir mis EDF dans le rouge, Macron s'apprête à mettre la France dans le noir ». En tout cas, on a mis EDF dans le rouge avec cette histoire-là, c'est sûr. Alors comment expliquer rapidement à vos auditeurs ce système de l'AREN ? EDF est obligé de vendre un quart de sa production nucléaire parce que la plupart de ses concurrents ne produisent rien, ne transportent rien, ne distribuent rien. C'est juste des traders derrière des écrans qui achètent l'électricité quand elle est pas chère et qui la revendent quand elle est chère. On y arriverait tous si on avait des milliards sur notre compte en banque. Alors EDF est obligé de vendre, mais la concurrence, les fameux fournisseurs alternatifs, comme on les appelle, eux ne sont pas obligés d'acheter. Ce qui m'avait fait dire à Politis, pile le privé gagne et face, le service public perd. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit du privé et du public. Ça n'a à voir qu'avec la règle du jeu. J'essaye de vous l'expliquer en deux secondes. Les fournisseurs alternatifs ont deux sources d'approvisionnement de l'électricité. EDF, avec nos carottes, c'est du mégawattheure, avec un mégawattheure à 42 euros sur un quart de la production nucléaire. Et le marché qui oscille entre 20 et 60. Alors, si nos carottes nucléaires sont moins chères que le marché, alors les concurrents achètent à 42 euros l'électricité à EDF, et EDF est obligé, lui, de s'approvisionner sur le marché pour fournir ses clients. Donc, le marché étant plus cher, eh ben, le concurrent gagne, il l'a à 42 euros, et EDF l'a à plus cher. Inversement, si le marché est moins cher, alors le concurrent n'achète plus la production nucléaire à EDF, qui ne va pas pouvoir fermer ses centrales et licencier ses agents et arrêter d'acheter de l'uranium. Donc, le concurrent sur le marché a acheté de l'électricité pas chère et EDF conserve son électricité d'AREN que les concurrents n'ont pas l'obligation d'acheter et du coup il est à 42 quand eux ils sont moins chers. Dans tous les cas, on a créé une concurrence obligatoirement plus efficace qu'EDF pour faire la démonstration, je reviens au mantra religieux, que le privé c'est plus efficace que le public. Mais c'est archi faux. Je rajoute une dernière couche, Ségolène Royal nous a offert dans la loi transition énergétique de 2015 une chose abominable, les fameux prix, les tarifs réglementés de vente, le prix tout le monde le même en France pour tous les citoyens proposés par EDF, elle a créé dans la loi un principe de contestabilité. Si on regarde ce que ça veut dire, il faut que EDF fasse des tarifs suffisamment hauts, et là encore il s'est passé la même chose avec France Télécom, pour permettre à tous ses concurrents de proposer des offres inférieures ou égales. Et depuis, eh ben, les tarifs réglementés de vente augmente énormément, on a parlé de plus de 60% en 15 ans, et à côté de ça, ben la place est ouverte entre le système de l'AREN, les trois autres systèmes que je n'ai pas encore détaillés, et cette imposition par la loi que EDF soit plus cher que le reste, et ben ça leur permet de dire, ben là où EDF a augmenté de 60%, mais c'est virtuel, hein, c'est du jeu politique, les concurrents proposent une électricité 5% moins chère, donc 5 par rapport à 5, à 60, il faudra m'expliquer pourquoi c'est une bonne nouvelle pour les Français. En attendant, on est en train de créer des règles du jeu totalement faussées qui permettent effectivement, puisque les gens n'ont pas la mémoire de 15 ans et ne savent pas forcément tracer la courbe que France 2 a tracée dans son 20h, et l'impression qu'effectivement le privé est moins cher que le public. D'ailleurs, c'est le seul argument qu'on entend dans des reportages télévisuels sur cette mise en concurrence de l'électricité, c'est on va faire du micro-trottoir et on trouve monsieur machin ou madame Bidule qui, en changeant de fournisseur, ont fait baisser un peu leur facture et gagner 100 euros par an. qu'on oublie. Tu parles de règles religieuses, de mantras, mais c'est quasiment, enfin, c'est de la pure idéologie, si je comprends bien. Et est-ce que tu pourrais faire un parallèle avec la privatisation d'autres services publics en réseau, comme France Télécom, La Poste, SNCF, c'est-à-dire avec segmentation des marchés, avec filialisation, restructuration, statut des personnels, etc. Enfin, tout ce qui, oui. tout ce qui est commun à tous ces ex-services publics, disons. Alors, il y a par exemple une BD qui a été faite par les frères Manac sur la SNCF, qui s'appelle Un train d'enfer. Nous, vous pouvez lire nos rapports. Effectivement, si vous vous rapprochez de ce qui s'est fait à France Télécom, à La Poste, avec les autoroutes, avec l'eau potable, qui sont des concessions comme nos barrages et nos réseaux de distribution, le monde militant, il nous reste comme travail à écrire l'histoire de cette casse de tous les communs qui date depuis 25-30 ans. Où nos adversaires, il faut leur reconnaître cette intelligence, ont employé exactement la même méthode. Moi, en lisant cette BD sur la case de la SNCF, j'avais l'impression de lire un truc sur EDF. Et c'est vraiment le cas. Sud, on est implanté dans presque tous les services publics. Donc, quand on s'écoute les uns les autres de la Poste, de France Télécom, de la santé, de l'école, etc., on a l'impression de vivre tous la même chose. L'intelligence de nos adversaires, qui sont quand même des traîtres à la nation et qui ont dépouillé des communs, pour des enrichissements d'entreprises privées qui financent souvent leurs élections présidentielles, mais peu importe. Donc, il y a la même méthode exactement. On coupe en morceaux progressivement, on transforme en société anonyme et on fait plein de choses très lentes, mais avec des calendriers différents. Et c'est ce « mais avec des calendriers différents » qu'il nous faudrait saisir pour mettre en lumière et pour offrir à l'ensemble des Français ce pillage continu qu'il y a eu. Alors, l'espoir que j'ai, c'est qu'on a un copain gilet jaune qui a créé une immense banderole qui fait 100 mètres de long, que vous avez vu à Paris à la manif du 1er mai, que le 8 mai ont redéployé sur des barrages comme il y a 2 ans, qui s'appelle « Quand tout sera privé, on sera privé de tout ». Et cette banderole qui a commencé sur les barrages, qui était la première entité menacée du service public d'EDF dans la production, eh ben, Sudrail va nous la récupérer le 3 juin à la gare Saint-Charles de Marseille avant un tour de France de cette banderole qu'on espère devenir un totem viral pour tous les services publics et qu'on espère voir fleurir sur les hôpitaux, sur les écoles, sur les postes, sur les gares, etc. Et il ne faudra pas oublier, puisque EDF est créé en 1946, comme la Sécu par le Conseil national de la résistance, qui a abandonné sa phase 1 de guerre contre on sait qui de Deuxième Guerre mondiale, vers un programme économique. Dans ce programme économique, s'ils ont eu le temps en 9 mois de créer la Sécu et de créer EDF, n'oublions pas qu'ils n'ont pas eu le temps de nationaliser les banques et de s'assurer de la liberté de la presse. Donc il faut également que cette banderole, on la voit fleurir sur toutes les banques du pays et sur tous les organes de presse, radio et télé du pays, évidemment. Mais le travail dont tu parles essayer de pointer les ressemblances avec ce qui se passe dans tous les services publics, c'est un peu ce que fait quelqu'un comme Gilles Balbast, que je suppose que tu le connais, sur fait des films sur l'énergie et sur ainsi que sur France Télécom, sur l'école, sur la SNCF, ainsi de suite. Sur l'électricité, tu fais bien d'en parler, a fait 2 documentaires nécessaires pour bien comprendre ce qui se passe. Un premier en 2006, je crois, qui s'appelle les apprentis sorciers de l'électricité. Ouais, c'est ça. Et un second, il y a 2 ans, qui s'appelle Main basse sur l'énergie. Et puisqu'on parle de documentaires pour aller plus loin, il en est un sur les barrages qui est très récent. Il est très intéressant que vos auditeurs regardent, d'autant plus que Nicolas Hubelmann, son réalisateur, l'a mis en libre accès sur YouTube. Ça s'appelle Barrage, l'eau sous haute tension de Nicolas Hubelmann. Pour l'instant, on est proche, avec simplement du bouche-à-oreille militant, des 90 000 vues. Quand on aura dépassé les 100 000 vues, on prendra notre bâton de pèlerin pour offrir à ce documentaire, comme à ceux de Gilles Balbast, des passages télé qui sont quand même, pour l'éducation populaire, le seul moyen de toucher le plus grand nombre. D'accord. Une question aussi. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, puisque les libéraux nous vendent toujours les soi-disant qualités du marché, comment fonctionne ce fameux marché de l'électricité ? Alors, est-ce que c'est l'histoire d'achat et de vente à terme, enfin comme sur les marchés de grains ou voilà. Alors, c'est un marché complètement dysfonctionnel, parce que quand vous avez un bien comme l'électricité qui n'est pas adapté au marché, ben, quand vous créez un marché, ça dysfonctionne. Et ce qu'on remarque depuis 25 ans, c'est que ce dysfonctionnement est constaté par tout le monde et qu'il se crée plein de surcouches et de tentatives de marcher par-dessus ce marché pour essayer de corriger les choses. Alors, pour essayer d'expliquer un petit peu pourquoi ça marche pas, la première chose, c'est que le prix du mégawattheure sur ce marché, c'est le prix du prochain moyen de production qu'on va appeler. Et dans les périodes de vagues de froid ou les périodes tendues, moi, je vais quand même commencer par vous dire que l'électricité, pourquoi elle n'est pas adaptée à un marché ? Parce que c'est un des rares produits sur Terre qui ne se stocke pas. À chaque instant, vous devez avoir la production strictement égale à la consommation. Sinon, le fameux 50 Hz, les 50 oscillations par seconde de votre signal électrique alternatif, se dégrade. Et quand il se dégrade trop, tous les automates des réseaux disjonctent et ça met la France dans le noir ou l'Europe dans le noir ou une région dans le noir. Et ça, ça coûte très très très cher. Ça coûte des dizaines de milliards d'euros par jour à l'échelle d'un pays comme la France. C'est ce qui est arrivé aux États-Unis, par exemple. Oui, c'est très amer pour nous parce que c'est pas comme si l'Europe s'était trompée sans faire exprès, quoi. Mmh. Au moment où l'Europe a libéralisé le marché électrique, il y avait le scandale en Californie, notamment connu sous le nom du scandale Enron, mais il y a eu plusieurs qui sont intervenus là-dedans. En gros, il y a eu du sous-investissement, parce que quand vous êtes privé et que vous utilisez des machines qui produisent de l'électricité qui durent très longtemps, vous êtes tenté d'arrêter l'entretien. Il y a eu aussi évidemment de la simulation de pénurie, parce qu'un capitaliste sait que ce qui est rare est cher. Et ils ont tellement joué avec le feu, et joué avec le feu de cette limite de l'équilibre production-consommation, que la Californie a connu au début des années 2000 38 jours de coupure. La Californie, c'est pas l'État le plus pauvre des États-Unis. Hein. Je crois qu'ils viennent simplement de finir en 2020 le remboursement du coût calamiteux de ces coupures liées au fait que des privés ont simulé la pénurie et sous-investi dans le système électrique. On a vu il y a pas très longtemps le réseau texan s'effondrer pour à peu près les mêmes raisons de sous-investissement. Il faut bien comprendre que quand le privé aura complètement la main mise sur le système électrique, aujourd'hui, il se contente quasiment, en France, d'acheter et de revendre quand c'est plus cher l'électricité que fabrique EDF. Mais imaginons qu'on découpe en morceaux EDF et qu'on file des barrages, qu'on file les ENR à plein d'entreprises privées. Et ils vont tous être tentés de jouer la pénurie parce que c'est dans la pénurie. Et quand vous approchez la rupture du réseau, que vous avez le plus de chances de voir les prix flamber. Donc, par exemple, quand vous êtes tout près d'une rupture du réseau européen dans une vague de froid l'hiver, là où je vous parlais d'un prix de marché entre 20 et 60 euros du mégawattheure, ça peut monter jusqu'à 3000. Moi, j'ai déjà vu ça dans ma salle de prévision météo. Inversement, quand en Europe, vous avez trop de vent, trop de soleil, les prix de l'électricité deviennent négatifs. Je ne sais pas si vos auditeurs comprennent bien ce que ça veut dire un prix de marché négatif. Ça veut dire l'énergie, c'est quand même ce qui va nous foutre dans le mur avec la planète. Hein. Il faut arrêter de consommer trop d'énergie. On en consomme beaucoup trop et la planète est en train d'étouffer, notamment par la tragédie climatique. Mmh. Et ben, un prix négatif, ça veut dire que finalement, on paye des gens pour consommer, qu'ils en aient besoin ou pas. Ben, c'est ça que ça veut dire un prix négatif. C'est une aberration totale. En période de transition écologique pour sauver la planète, non plus des générations futures, mais de nos enfants, on arrive à créer un marché qui dysfonctionne au point de devenir négatif. On vous paye pour brûler de l'énergie inutilement. Alors, le dernier moyen de production appelé en électricité, quand ça se sent, c'est souvent du charbon ou du gaz. En France, le charbon, le gaz et les énergies fossiles, ça représente quasiment plus rien. Donc, le premier dysfonctionnement de ce marché électrique, c'est que son prix suit les fluctuations des énergies fossiles qu'on n'utilise plus en France pour fabriquer de l'électricité. C'est quand même assez aberrant. Ça fait donc un prix très très très volatile qui a mis en danger dans les années 2015 à 2020 parce que régulièrement autour de 20 euros du mégawattheure, qui fait plus vivre personne, capitaliste ou public ou n'importe quoi. Et ça les a tellement mis en danger, je vous donne une conséquence sur EDF par exemple, que notre nouveau patron Jean-Bernard Lévy a créé pour la première fois d'EDF, de façon très transparente, une politique d'austérité classique, moins 10% sur les effectifs, alors qu'on coûte rien dans son bilan, et il continue cette austérité, il a trouvé ça rigolo, ça a fait peut-être monter un peu l'action, et du coup, il continue de baisser les effectifs. sauf que je crois les effectifs, c'est 17% des dépenses d'EDF, et donc on pourrait bien tous nous tuer, qu'à la fin, vous n'auriez plus d'électricité, puisque les concurrents n'en fabriquent quasiment pas, et puis que vous n'auriez pas fait beaucoup d'économies, puisqu'il y a 85% de coûts fixes. Le marché ne peut pas fonctionner, parce que l'électricité, d'abord, ne se stocke pas, et ensuite, parce que, je vous donne un exemple dans le monde que je connais bien, les barrages, il y a des objets qui vont devenir la clé de voûte de la réussite de la transition énergétique. On appelle ça les stations de pompage. Le gros mot, c'est STEP, station de transfert d'énergie par pompage, on s'en fout. Pour l'instant, il y a l'équivalent de 6 réacteurs nucléaires de stations de pompage qui permettent, quand il y a trop de nucléaire, et qui permettent, dans la transition écologique, quand il y a trop de soleil et de vent, de pomper l'eau du lac aval vers le lac amont et de se recréer une réserve d'électricité pour quand on manquera de nucléaire ou d'électricité solaire et d'éolien. Comme tout le monde est d'accord. Comme la centrale de Revin dans les Ardennes. Oui, par exemple. La plus grosse centrale hydroélectrique d'Europe également, qui est dans les Alpes, derrière Grenoble, qui s'appelle Grand Maison. Enfin, comme ça, on a l'équivalent de 6 réacteurs nucléaires. Après, privé, public, partisan du marché ou pas, tout le monde est d'accord pour dire que pour absorber le solaire et l'éolien qui ne sont pas pilotables, la nuit, il n'y a pas de soleil, et puis si le vent s'arrête, il s'arrête. Il va falloir quasiment doubler ses capacités de stockage. On le sait depuis 25 ans. Sauf que depuis 25 ans, on a créé le marché. Le marché ne sait pas valoriser de manière économique ces appareils très chers qui coûtent à peu près 1 milliard d'euros par gigawatt, donc par tranche nucléaire. Par contre, en France, depuis 25 ans, mes copains de l'ingénierie de Chambéry, eux ont dans leur carton de quoi faire grossir de 3 ou 4 gigawatts sans réfléchir à Redena, sur la Dordogne, à Montézic, sur la Truyère et également en Savoie. Ils ont de quoi augmenter cette capacité qui permettrait la réussite de la transition écologique. Bon, l'Europe a fait le choix du marché électrique, ça marche pas. Personne ne sait dire qu'une station de pompage sert à quelque chose avec la loi du marché, parce qu'avec l'intelligence humaine, tout le monde comprend à quoi ça va servir et comprend pourquoi c'est la clé de voûte. Depuis 25 ans, une année sur deux, on leur demande de sortir les projets du carton, et au bout de 6 mois de travail d'ingénieurs payés par les factures des Français, on leur demande de remettre ça dans les cartons. Et ça fait 25 ans que ça dure. Et il ne s'est pas créé un seul kilowatt de station de pompage, alors que tout le monde sait depuis 25 ans que c'est important. Des raisons qui expliquent le dysfonctionnement du marché, on pourrait tenir toute l'après-midi. Les autres arguments font que ça devient assez technique, donc je ne suis pas sûr d'avoir envie d'aller beaucoup plus loin. En attendant, même les partisans de l'ouverture à la concurrence du système électrique se rendent compte du dysfonctionnement de ce marché et mettent tellement d'intelligence financière en jeu qu'on est proche du marché des subprimes américains. C'est-à-dire que plus personne ne comprend rien à ce marché, tellement il y a des surcouches, des sur-surcouches, et des packages et des produits qui essayent de supprimer l'inefficacité de ce marché. Et quand plus personne ne comprend rien à un marché, vous savez ce que ça peut faire avec la crise de 2008. On parle d'énergie, on parle donc du sang de l'économie, donc quelque chose de totalement central, de la moelle épinière de tous les pays riches. On joue vraiment avec le feu. Une question de Christian. Oui, alors le marché, est-ce qu'il y a un lieu défini là où on achète de l'électricité? Oui, il y en a deux même. Ils ont même mis en concurrence les bourses. Ah, c'est pas mal non plus ça. Il y en a une au niveau de l'Europe, il y en a deux. Il y en a une à Francfort, l'autre, je ne sais même pas où elle est. Enfin voilà, maintenant même les bourses sont en concurrence. Je vous laisse imaginer le bazar que ça fait. Oui. Avec une chambre de compensation comme Clearstream, par exemple, pour améliorer. Moi, je ne vais pas creuser ça, mais pourquoi pas. Oui, alors, vous venez de toucher du doigt une question qui nous tarabustait, préparant cette émission-là. Ce que vous dites, quand même, n'est pas inconnu des décideurs publics. Ils sont au courant de ce qu'ils font. Est-ce que je ne sais pas comment expliquer, enfin, on hésite à se poser la question de savoir comment des gens qui sont vraiment au courant de ce qui se passe, qu'on est en train de monter, je vais utiliser le mot, mais c'est pas tout à fait pertinent, une espèce d'arnaque au libéralisme, et on le fait en toute conscience, par simplement idéologie, ça suffit, c'est comme ça que fonctionne Bercy, ou je ne sais pas. Ben c'est pire que ça, je crois. Nous, tout petit syndicat de l'énergie, Sud Énergie, on a essayé de s'approcher de l'affaire du siècle, qui était essentiellement composée de juristes qui voulaient attaquer Macron pour crime climatique. Et nous, on voulait profiter de leurs compétences juridiques pour attaquer Macron pour crime contre l'intérêt général, sur les barrages à l'époque, puis depuis Hercule, sur l'ensemble du système électrique. Ils ont été victimes de leur succès, et pour l'instant, on est toujours en recherche de juristes spécialistes du droit européen pour essayer d'attaquer nos puissants, nos gouvernants qui devraient être là pour défendre nos intérêts et qui ne le font pas. Je reprends le parallèle avec General Electric qui s'appelait Alstom avant et pour les turbines hydroélectriques Nerpic à Grenoble, des copains de lutte, quoi. C'est Jean-Michel Quatrepoint qui a dans un bouquin qui s'appelle Alstom, scandale d'État, a révélé la chose au début et puis il y a eu tout un tas d'œuvres d'éducation populaire, livres et documentaires et la dernière en œuvre, c'est Jérémy Younes pour La Basse J'y suis, qui démontre avec un député républicain qui démontre que Emmanuel Macron a commencé à donner un joyau industriel français aux Américains parce que toute cette casse d'Alstom vers General Electric enrichissait ceux qui ont financé sa campagne présidentielle de 2017. Donc moi, je pense qu'il est désormais possible de poursuivre, et dans cette affaire J.I., les trois derniers présidents de la République sont mouillés jusqu'aux yeux. Hein. Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. Et puis si vous regardez un ancien patron d'EDF, pour dire du bien aussi de mes patrons, François Rutli, qui quand il est parti à la retraite d'EDF, n'est pas tout à fait parti couler des jours heureux, mais est devenu numéro 2 du Crédit Suisse, qui est la banque, une des banques d'affaires qui a fait le montage de cette guerre économique gagnée par General Electric et dépouillant la France. Donc vous voyez, trois présidents de la République, un président d'EDF, nos hauts fonctionnaires sont tout à fait dans leurs fonctions. Enfin, il est temps qu'on arrive, nous, citoyens, à nous armer d'armes pour poursuivre nos représentants pour trahison contre l'intérêt général ou trahison contre la nation. Et dans ces histoires-là, ces trahisons sont malheureusement assez simples à comprendre. Jérémy Younes a fait un travail formidable. Je ne sais pas si son documentaire est encore visible sur La Basse J'y suis. En attendant, voilà. Et faire des cadeaux aux milliardaires qui financent vos campagnes électorales. Et je crois qu'il a été démontré par Serge Halimi dans le Diplo qu'en France, depuis bien avant la Ve République, c'est à chaque fois le candidat le plus riche qui a gagné les élections. Justement, on va passer au troisième volet qui est un peu sur les luttes et les résistances. Donc René, si tu peux... Oui, il semblerait qu'un article récent est paru et le projet donc Hercule aurait été repoussé et sera vraisemblablement modifié par le gouvernement. Alors est-ce que c'est dû au succès de la lutte de l'intersyndicale et comment fonctionnaient les mobilisations? Et également la résistance citoyenne, parce que je sais qu'il y avait une pétition nationale qui a circulé sur le net. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette résistance, de ces luttes? Bien sûr. Alors nous, moi c'est le plus clair de mon temps syndical, je le passe à ces luttes, à la fois en production de matériel avec ma copine Anne pour donner des arguments implacables, et également sur le terrain, sur les barrages, sur les réseaux et partout où on lutte pour ça. Avant l'apparition d'Hercule, il me paraît intéressant, parce qu'on est toujours en soif de bonnes nouvelles quand on est militant, de parler de notre lutte barrage. Les barrages étaient donc par la loi française obligatoirement mis en concurrence. C'était vraiment un truc complètement aberrant, parce que les barrages, même s'ils ne fournissent que 12% de l'électricité, c'est les poumons du système électrique. Et c'est eux qui permettent d'éviter les blackouts. Donc vous donnez ça à un privé immédiatement disponible. Il est assis sur un tas d'or. C'est aussi les réserves d'eau du pays. C'est les robinets de la France. Ils stockent 75% des réserves d'eau douce du pays qui servent, oui, à fabriquer de l'électricité, mais qui servent aussi aux agriculteurs, au tourisme, à l'alimentation en eau potable. Bref, on allait fournir et c'est le ministère de l'écologie qui le dit avec une étude qui s'appelle Explore 2070, l'eau va se raréfier dans le pays et les débits l'été vont être divisés par deux. On allait donc fournir la gestion de la pénurie au privé, potentiellement étranger. Vous donnez la lumière et l'eau d'un pays à une multinationale étrangère, par exemple China Trois Gorges, qui a fait une OPA agressive sur le Portugal en mai 2018 pour récupérer tous ses barrages. Vous donnez l'eau et la lumière d'un pays à une multinationale, croyez-moi, elle saura et en faire des sous et faire des pressions géopolitiques de malade, parce que vous avez quasiment deux des fluides qui permettent la vie économique d'un pays. Et puis, au-delà de ça, les barrages sont des outils industriels potentiellement très dangereux, sûrement les plus dangereux après les centrales nucléaires. Mmh. Qui dit concurrence dit volonté de faire baisser les prix, donc de faire baisser les coûts. Et dans les barrages, les seuls coûts, c'est la mise, enfin l'entretien et la maintenance. Et par exemple, le Comité international des grands barrages a dit l'an dernier, c'est des gens qui sont pas du tout anticapitalistes, ceux-là, hein, a dit l'an dernier que la mise en concurrence dans les pays pauvres des barrages a fait passer autant de ruptures de barrages ces deux dernières années que dans les deux décennies précédentes, et ils attribuent ça à la mise en concurrence. J'ai précisé pays pauvres parce que dans les pays riches, personne n'a fait cette bêtise de livrer à la concurrence les concessions hydroélectriques existantes dans les pays riches, à part le Chili de Pinochet. Et la France, depuis 25 ans, a changé ses lois pour en faire une chose obligatoire. Donc, notre lutte sur les barrages, une lutte qui a été, et moi je voudrais étendre ça bien au-delà de l'intersyndicale dont tu parlais. D'abord, cet intersyndicale est double. Il y a d'abord les gros syndicats représentatifs et puis une petite lutte qui est dans la salle d'attente. Mais ce qui est intéressant dans cette lutte, c'est que la société civile s'en est emparée. Les gilets jaunes qui luttent pour plus de justice sociale, fiscale et écologique, qui luttent contre leur précarité, dans leurs 20 premières revendications, ils ont mis nationaliser les barrages. Eux, ils avaient tout compris. Je ne sais pas par quel miracle. Les associations écolo, les Amis de la Terre, les Citoyens pour le Climat, ANV COP21 et tous les autres, se sont également mobilisés. Et puis les syndicats rouges, notamment CGT et Sud en tête, ont été mobilisés. Ce qui nous avait fait écrire sur le barrage de Saint-Égrève en juin 2019, jaune plus vert plus rouge égale espoir. Je crois vraiment que cette convergence des luttes, qui d'habitude est un mythe hein, pour les militants, on n'arrive jamais à faire que les gilets jaunes prolos et les écolos bobos et les rouges communaux, je sais pas comment on dit, s'entendent, parce qu'en général ils tapent dessus. Et ben sur cette lutte-là, ils se sont réunis. Rajoutez à ça que de nombreux collectifs se sont déployés, d'abord sur les barrages. Jamais ça, par exemple. Pardon ? Plus jamais ça, par exemple, c'est toute la, oui, bien la, sûr, la pertinence bien sûr. De. Bien sûr. Et alors, pour sauver les barrages, en 2018-2019, il s'est créé dans tous les départements où il y a des barrages, des collectifs. Ne nous laissons pas tondre, faisons barrage, sauvons les barrages, et j'en passe. Et là, récemment, avec 65 orgas, dont tous les partis politiques de gauche, la CGT, Sud, Attac, Copernic et tant d'autres, et des associations d'éducation populaire aussi, c'est important, il s'est créé un collectif pour un véritable service public de l'énergie. Donc, je suis complètement ravi de ça. Une lutte syndicale, ça serait une lutte corporatiste où on se battrait pour nos propres intérêts. Je crois pouvoir vous raconter qu'avec la façon dont on a piqué tous les barrages de la vallée du Rhône à EDF en 2001, les salariés d'EDF qui sont passés salariés de la multinationale Engie, eux, ils ont rien vu. On leur a détricoté un logo, on leur en a retricoté un autre. Ils ont gardé la même convention collective. Donc le fait que la société civile s'empare de cette lutte est très important pour que BFM ne nous raconte pas que c'est une lutte corporative pour ces feignants de fonctionnaires qui ont un statut scandaleux. D'accord. En tout cas, on avait d'autres questions à te poser, Philippe, mais bon, on avait aussi des contraintes horaires. Donc merci pour tous ces propos éclairants, c'est le cas de le dire en parlant de lumière et d'EDF, et on espère en tout cas que votre lutte sera victorieuse, et on vous soutient en tout cas. Oui, tout à fait. Je voudrais rajouter un petit mot de la fin, si vous me le permettez. Bien sûr. Pourquoi le marché électrique n'est pas adapté à l'électricité? Il me semble qu'il y a trois idées politiques fortes derrière l'électricité, et en ce moment plus que jamais. D'abord, cette idée fondatrice de la péréquation tarifaire, que tout le monde paye le même tarif où qu'il habite. Oh. Et maintenant, avec la tragédie climatique urgente, une idée de sobriété et de décroissance, notamment des plus riches par rapport à, pour sauver la planète, et des tarifs progressifs, avec la possibilité de gratuité des usages vitaux pour 13 millions de précaires, et d'une surtaxation brutale des mésusages. Or, un marché ne fait pas de politique, il fait même tout le contraire. les précaires et les gens qui habitent à la campagne vont voir et voient déjà les prix exploser. Et ceux qui habitent à la campagne vont voir les réseaux disparaître parce que ça coûte très cher un réseau à la campagne. Sur les tarifs progressifs, c'est exactement l'inverse que ça fait. Les plus gros, dans le capitalisme, payent moins cher que les plus petits. Ça a toujours été le cas et ça continue. Et une entreprise privée ne cherche que la croissance parce que le modèle capitaliste n'existe que dans la croissance et se casse la figure sinon. Donc on se rend compte qu'un marché ne faisant pas de politique, livrer ce bien commun de première nécessité au marché, c'est rater ces trois idées politiques fortes, plus que jamais nécessitées par la tragédie climatique en cours. Voilà. D'accord, bah merci beaucoup Philippe. En tout cas. On terminera merci sur cette note politique. Merci à vous pour votre combat et encore sur merci. Ces sujets. On veut du green, on veut des tours d'avion, des Airbus, du diesel, des mandarines toutes les saisons, des grands voyages dans le ciel, du high-tech à la maison, de la nouvelle technologie. On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit. On veut de la viande d'Argentine, de la biloche à tous les repas, de la world food dans la cuisine. On veut du sucre, on veut du gras, on veut moins cher, on veut meilleur, on veut toujours un peu d'ailleurs. On veut la mer, on veut l'été, même en hiver, on veut bronzer, on veut du c'est nous les as, les Pinocchio du marketing. On veut du green. On cache les galets sous le sable, on veut des plages de sable blanc, du réseau pour nos portables, on voudrait quatre bars tout le temps, des orgies raisonnables, des grands échangeurs de béton et des amis toujours joignables. On veut des balais mais du temps. On veut du green. On veut de l'eau toujours qui coule et des rides un peu moins creusées. On veut de la jeunesse en poudre et puis de la neige en été. Des grands buildings sous le soleil, des monuments pharaoniques. On veut partout, partout pareil, de la wifi, du numérique. On veut du green. C'est nous les as, les Pinocchio du marketing. On veut du green. On veut des lessives sans phosphate, des shampoings tout organiques, des forêts pour nos 4x4, du charbon dans nos cosmétiques, des slogans abusifs, plus blanc que blanc, plus vert que vert, mascarade écologique pendant qu'on shoot au nucléaire. On veut du green. C'était bien greenwashing de trio, comme vous avez pu le comprendre. Et on l'a compris, Jean-Jacques, merci. On passe aux activités d'attaque avec, bien sûr, René qui a préparé tout son dossier. René, on t'écoute au plan national. Alors, au plan national, dimanche 9 mai, marche pour le climat. Retour sur les mobilisations d'une journée historique. Le dimanche 9 mai, nous étions plus de 115 000 personnes à marcher dans 163 villes en France, en Belgique et au Luxembourg pour dénoncer l'échec climatique du quinquennat. Le collectif Plus Jamais Ça publie un rapport « Pas d'emploi sur une planète morte ». Ce rapport présente un décryptage des idées reçues qui opposent emploi et lutte contre le changement climatique et fournit des propositions concrètes pour une transition écologique qui soit créatrice d'emplois. Il est disponible et téléchargeable sur le site d'Attaque France. Plus jamais ça en action maintenant. Alors, mercredi 28 avril, une victoire pour la chapelle d'Arblay. les salariés de la chapelle d'Arblay, à proximité de Rouen, accompagnés de 120 militantes et militants et des porte-paroles de 8 associations et syndicats membres du collectif Plus Jamais Ça, ont occupé pendant 8 heures le ministère de l'Économie afin d'exiger de la part du gouvernement le maintien de toutes les activités sur le site de la chapelle d'Arblay, dernière usine française de papier 100% recyclé. Toute la matinée, animation et intervention des salariés et des salariés de la chapelle d'Arblay et des porte-paroles d'Attaque, de la CGT, de la Confédération Paysanne, de la FSU, de Greenpeace, des Amis de la Terre, d'Oxfam et de l'Union syndicale solidaire se sont succédés pour porter les revendications communes. Devant la détermination des occupantes et des occupants, la ministre déléguée chargée de l'industrie a finalement accepté de recevoir une délégation et s'est engagée à ce que la chapelle d'Arblay reste un site papetier et à ce qu'aucune offre de reprise ne soit acceptée sans l'aval préalable des salariés et des salariés. Une belle victoire en effet. Vers un relèvement de la fiscalité du capital, sauf en France, dans un rapport du 11 mai, l'OCDE propose à l'échelle internationale de mobiliser l'impôt sur les successions et les donations pour réduire les inégalités. Belle idée, vous me direz. Ce rapport suscite un intérêt bien légitime pour celles et ceux qui, comme l'association Attaque, estiment que la justice fiscale est plus que jamais une priorité absolue. Mais il suscite déjà une opposition en France, au prétexte que les impôts sur les successions et donations sont plus élevés qu'ailleurs. Pourtant, les inégalités du patrimoine sont importantes en France et ne diminuent pas, la fiscalité ne jouant pas un rôle distributif. Et quand on a un problème, on le met le pognon en Suisse sur les paradis fiscaux, comme on le sait en Belgique d'ailleurs. C'est pourquoi la récente publication d'Attaque France sur l'impôt, idées fausses et vraies injustices, s'avère particulièrement pertinente. C'est à trouver sur le site d'Attaque. Bien sûr. Oui. D'ailleurs, parlons de cette publication. Donc, Impôts, idées fausses et vraies injustices. Ce petit ouvrage illustré d'environ 150 pages s'en prend aux idées fausses régulièrement formulées sur la fiscalité et largement véhiculées par le discours dominant. Rédigé sous la responsabilité d'Attaque, illustré avec humour, il a pour objectif de poser les termes d'un débat rigoureux et vise à donner à chacun et à chacune les outils pour mieux comprendre les enjeux de la fiscalité, avec des propositions concrètes et applicables pour une meilleure justice fiscale. Il est disponible en précommande et sur la boutique en ligne d'Attaque France. Au plan local, la campagne qui doit payer la dette Covid ? CRDC, on va dire. Faisons payer les profiteurs de la crise. Elle est menée principalement par le comité local de Villeneuve-d'Ascq, diffusion et tract, collage d'affiches auprès des bouches de métro. Par exemple, oui. Journée du 17 avril, agir contre la réintoxication du monde, un petit bilan. Alors d'abord Marquis, indéniable succès de la manifestation contre la réalisation d'une plateforme logistique d'e-commerce qui a rassemblé plus de 250 personnes. En plus du collectif Chouanil, plusieurs organisations sont venues en soutien, notamment les Verts, les trois comités locaux d'Attaque, Attaque de la Métropole, Extinction Rebellion, etc. Après le rassemblement à 10h devant la mairie et les prises de parole, le cortège a traversé le village jusqu'au lieu d'inhumation du plan climat de Lamelle, dans un champ, non encore artificialisé, je précise, où chacun et chacune a déposé une gerbe ou une fleur. Vas-y René. Oui, à Lille, rassemblement devant le siège de Lamelle, donc à Lille, de 15h à 16h. Nous étions nettement moins nombreux que le matin à Marquis, une quarantaine de personnes environ. Ce rassemblement a fait l'objet de prises de parole sur l'urbanisation et la bétonisation en métropole lilloise et sur l'extension projetée de l'aéroport de Lille-Léquin. D'accord. Nada pour terminer. Pas tout à fait pour terminer. Nada, conférence de presse le 29 avril. C'est une conférence française qui s'est faite en visio avec la présence d'une journaliste de La Voix du Nord. Après lecture de notre plaidoyer, la question de l'invité ont porté essentiellement sur les moyens que nous comptons mettre en œuvre et aussi l'interpellation des politiques et l'approche des régionales. Marche climat ce dimanche 9 mai, donc ici à Lille, les trois comités locaux attaque de la métropole étaient présents pour une marche qui a rassemblé un nombre respectable de participantes et participants. Cet après-midi, Monsanto, Bayer et l'agrochimie, Lille, rendez-vous marche. À 14h, place de la République. Et une mobilisation en faveur des droits des Palestiniens, donc c'est Grand Place à Lille à 15h. Oui, un mot sur cette manifestation, René. Oui. Il est difficile de se taire aujourd'hui, au moment où des roquettes de Hamas tombent sur Israël, mais à ça est répondu des attaques aériennes de l'aviation. De l'aviation israélienne, oui. Qui continue de bombarder la bande de Gaza, cette prison à ciel ouvert dont parlait Ziad Meddouk, que nous avons connu ici. Et ça fait des centaines de victimes. Pas question ici, à angle d'attaque, de mettre dos à dos les belligérants, comme on l'entend dans les radios de grande écoute. Il y a un agresseur et un agressé. Et ça a commencé il y a 74 ans. Ça a duré 2 ans, de 1947 à 1949. 2 années au cours desquelles l'armée israélienne a évacué les Palestiniens de leurs terres et de leurs maisons. Et l'ont mis sur les routes du Liban, de la Jordanie, de la Syrie, etc. Les Palestiniens ont appelé cette période la Nakba, la catastrophe, et c'est aujourd'hui l'anniversaire de la Nakba. Et aussi les événements de Jérusalem, là, récemment. Voilà, c'est bien sûr, c'est avec ça en tête, les bombardements d'aujourd'hui dont vient de parler René, et la Nakba que nous défilerons cet après-midi. Une lecture, si j'ai le temps, pour parler de la Nakba. Retour à Haïfa, une nouvelle de Ghassan Kanafani, exilé palestinien de 1948, qui s'est réfugié au Liban. Cette nouvelle parle de la Nakba et d'une situation imaginée à partir de ce drame qu'ont vécu les Palestiniens. Un couple est séparé de leur enfant et retrouve leur enfant des années plus tard. Je n'en dis pas plus, ce livre publié par Actes Sud n'est plus édité, malheureusement. Ghassan Kanafani, pour terminer, a été assassiné par les services secrets israéliens à Beyrouth. Et d'ailleurs, on en a fait une pièce de théâtre. On en a fait une pièce de théâtre, oui, exactement.